Le roi Duncan arrive au château de Macbeth et les honneurs lui sont rendus. Pendant le dîner, offert en l'honneur du roi, dîner auquel participent les deux fils du roi et l'ami de Macbeth, Banquo et son fils, on entend Macbeth dans une chambre de son château.